الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد donc continue l'explication du livre le معتل اعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi ainsi que l'explication de Sheikh al-Fawzan Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى donc la semaine dernière on avait continué à expliquer la différence entre l'interprétation authentique, celle qui est présente dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'interprétation erronée et l'interprétation fausse qui est utilisée par les gens de l'égarement. Donc la semaine dernière, on avait Cheikh Fawzan Hafidhullah avait donné des exemples d'utilisation de versets, de certains versets pour appuyer et attester une chose en oubliant d'autres versets qui viennent expliquer justement ce verset ambigu et viennent mettre la vérité à jour. Parmi les exemples qu'avait donné Shir, qui peut en citer un seul? Non. C'est un exemple que Cheikh avait donné. Des versets qui étaient utilisés par les gens égarés. Non. Omaya asillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, alors à lui le feu de l'enfer, il y restera éternellement. Comment est-ce que certains utilisent ce verset ou qu'est-ce qu'ils en déduisent? Que celui qui fait un péché, quel que soit ce péché, et d'autres ont dit les grands péchés, eh bien, il entre, il est considéré comme étant un non-musulman, car Allah Azza wa Jal lui a promis l'enfer dans lequel il restera éternellement. Or, ceux qui resteront éternellement en enfer sont les non-musulmans. Et ils ont pris en compte ce verset en délaissant lequel? Ahsant, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un ou quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Donc dans le premier verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui désobéit à Allah et à son envoyé à lui l'enfer dans lequel il restera éternellement, de quelle désobéissance parle Allah azza wa jalla dans ce verset? Du shirk, car dans le deuxième il qualifie le shirk comme étant la cause de l'entrée en enfer éternellement, et que c'est un péché qui, lorsqu'il est commis et n'est pas suivi de repentir et que la personne meurt dans cet état, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Quant à tout péché autre que associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la personne est sous la volonté d'Allah azza wa jal, soit il lui pardonne, soit il le châtie. S'il le pardonne, c'est par sa miséricorde, et s'il le châtie, c'est par sa justice. Donc, Cheikh Fawzan avait expliqué de façon précise que ces personnes utilisent certains versets ambigus et délaissent les autres qui sont clairs dans le seul but de d'égarer les gens et de faire douter les gens dans leur religion et de faire douter les gens de leur religion. Et ensuite, ensuite, Cheikh Fawzan avait cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu le verset quant à ceux maladina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna ibtigha at-ta'wili, que ceux qui ont une déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui est ambigu dans le Coran dans le but de semer la discorde sur terre et dans le but de d'interpréter ces versets de façon mauvaise et erronée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, comme cela est rapporté dans le Bukhari et le Muslim, إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir cité ce verset, lorsque vous voyez des personnes qui suivent ce qui est ambigu dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallam, ce sont eux qu'Allah azza wa jalla a nommé. Ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans ce verset, et prenez garde contre eux. Prenez garde contre ces personnes. Et Cheikh Fawzan avait ensuite classifié ces personnes qui utilisent ces versets ambigus ou ces hadiths ambigus en deux. Soit ce sont des ignorants qui sont entrés dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, et en général, celui qui entre dans un domaine qu'il ne connaît pas et commence à parler et à apporter ses avis, en général, il apporte toujours des choses extraordinaires, pas seulement des choses mauvaises, des choses extraordinairement mauvaises. Des personnes qui parlent sans connaître vont obligatoirement dire des choses qui n'auront jamais été dites auparavant. Donc quand tu veux parler dans un sujet, quand tu veux parler d'une chose, quand tu veux rentrer dans un domaine, eh bien, et d'abord apprends ce domaine, prends connaissance, et lorsque tu auras atteint une certaine science, alors dans ce cas, tu peux te permettre de donner ton avis et de parler. Ou bien alors, ce sont des personnes qui connaissent, ce ne sont pas des ignorants, au contraire, ils connaissent, mais ils utilisent ces versets pour semer la discorde, pour détourner les musulmans et pour les faire douter de leur religion. Puis Cheikh a terminé son argumentation en disant que ce sont les savants de l'islam qui sont ancrés dans la science bénéfique, ce sont eux qui sont aptes à parler sur les paroles d'Allah et sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En islam, ce n'est pas n'importe qui parle. En islam, ce n'est pas n'importe qui explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui explique les versets du Coran. Ce sont les savants qui sont ancrés dans la religion, ceux qui ont vécu, ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont sacrifié leur temps dans l'apprentissage de cette religion. Ce sont eux qui ont le droit de s'exprimer, et selon eux, qui ont le droit de répondre aux questions, de donner des fatwas, et n'importe qui. Quant aux autres, ils prennent de ces savants, et transmettent le savoir de ces savants. Car on ne peut pas, ni surtout à notre époque, prendre directement la science des grands savants. On peut le prendre de façon indirecte, mais maintenant de plus en plus difficilement de façon directe. Donc soit tu transmets, soit tu apprends de ces savants, ou soit tu transmets leur science selon ta possibilité. ثم قال المؤلف الإمام ابن قدامة المقدسي ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. Puis Allah Azza wa Jal, à la fin de ce verset, où il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ceux qui ont une déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui est ambigu dans le Coran en voulant semer la discorde et en voulant l'interpréter, c'est-à-dire de façon mauvaise. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et Allah Azza wa Jal a terminé ce verset en disant, et plutôt a dit ensuite, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, ne connaît son interprétation seul que Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur dit, ثُمَّ حَجَبَهُمْ عَمَّا أَمَّلُوهُ وَقَطَعَ أَطْمَاعَهُمْ عَمَّا قَصَدُوهُ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a mis un obstacle dans leur désir. Dans le désir de qui? De ceux qui utilisent les versets ambigus pour semer la discorde. وَقَطَعَ أَطْمَاعَهُمْ عَمَّا قَصَدُوهُ, et a coupé ou a anéanti tout espoir dans ce qu'ils avaient projeté. Il a coupé l'espoir à ceux qui toujours utilisent les versets ambigus dans le but de dévier les gens. بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. Et ceci, Allah Azza wa Jal a mis cet obstacle lorsqu'il a dit seul Allah connaît l'interprétation, c'est-à-dire de ces choses ambiguës. الشيخ الفوزان قال الشيخ الفوزان حفظه الله بين سبحانه وتعالى أنهم لن يغلبوا أنهم لن يبلغوا ما أرادوا حيث قال وما يعلم تأويله إلا الله. Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils voulaient lorsqu'il a dit seul Allah connaît son interprétation et les gens de science qui sont ancrés dans cette science. أما هؤلاء فلم يبلغوا هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات ومن غير بصيرة فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول ولو أكثر الحفظ والكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا. Donc ces personnes grecques, comme dit Cheikh Fawzan, ne pourront pas atteindre le degré qu'ils espèrent, car ils se considèrent comme étant savants et ils se considèrent savoir alors qu'ils ne savent pas. Et il n'est pas possible qu'une personne qui se croit savant atteigne le degré de savant, quels que soient les efforts qu'il va produire, quelles que soient les choses qu'il va apprendre, les paroles, les livres qu'il va écrire, il ne sera jamais un savant. Car il se considère déjà comme avoir atteint un niveau de science. Et ceux qui sont savants, ce sont ceux qui sont modestes. Ceux qui sont modestes et qui se rappellent toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Et vous n'avez de science que très peu. Où nous vous avons donné de la science que très peu. Il ne vous a été accordé que très peu de science. Donc le plus savant des savants n'a en réalité que très peu de science, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne doit être modeste et ne doit pas s'enfler et ne doit pas croire que c'est un savant, et encore moins lorsque cette personne est égarée. وكذلك الزائر والعياذ بالله الضال المنحرف فإنه لن يكون من العلماء الراسخين في العلم بل يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم كحال أهل الكتاب فإنهم عندهم علم ولكن ليسوا راسخين في العلم لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون التشكيك في كتاب الله عز وجل. Également l'égaré qu'Allah nous en préserve, celui qui dévie de la vérité, il ne fera jamais partie des savants qui sont ancrés dans la science. Au contraire, il sera privé de la lumière de la science, il sera privé de la guidée de la science, comme les gens du livre, qui avaient de la science, mais n'étaient pas ancrés dans celle-ci, car ils avaient l'intention d'égarer les gens, et leur but était de dévier les gens et de mettre un doute dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب يقول المؤلف رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. في لوتر الإمام ابن قدامة دي الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل كالله لفاس ميزيكارد a dit dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم Allah descend vers le ciel le plus bas et Allah sera vu le jour du jugement et tout ce qui ressemble à ces hadiths. قال الشيخ الفوزان الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام أهل السنة الصابر على المحنة الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة. وشيخ الفوزان دي حفظه الله الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني في partie des quatre imams. وإمام أهل السنة, et il est appelé l'imam des gens de la sunna. الصابر على المحنة, celui qui a patienté dans l'épreuve, celui qui a été éprouvé, qui a patienté et resté ferme jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a par son intermédiaire donné victoire à cette croyance, et il a humilié et rabaissé les gens de l'égarement parmi Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, qui sont deux sectes. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, vous connaissez tous, il fait partie des quatre imams. Les trois autres sont Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifa et Al-Imam Al-Shafi'i. Et l'imam Ahmad était appelé, son surnom était Imamu Ahli Sunnah. Imamu Ahli Sunnah. Et les savants citent beaucoup lors de sa biographie que il faisait partie des savants qui connaissaient beaucoup de hadiths par cœur. Certains disent même qu'il en connaissait un million. Certains disent même qu'il en connaissait, rahimahullah, un million. Il a patienté dans l'épreuve. L'imam Ahmad a été éprouvé par une épreuve qui a été même appelée l'épreuve de l'imam Ahmad. Il a été éprouvé par un gouverneur qui s'appelle Al-Ma'moun, qui lisait beaucoup de livres de philosophie et est arrivé à un point de vue qui est que de dire que le Coran est créé. Est-ce que ça vous choque, ça? De dire que le Coran est créé. Ça choque ou pas? Est-ce que ça choque au point d'être châtié, de patienter, de ne pas dire cette parole, même sous les coups de fouet, sous l'emprisonnement, etc. Non, ça considère que c'est du coufre. Pourquoi? Pourquoi? Car le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, parmi ses attributs, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a les mains, il y a le pied, le mollet, etc. Et parmi également les caractères, les attributs d'Allah azza wa jal, il y a la parole. Comme a dit Allah azza wa jal, فأجره حتى يسمع كلام الله, يعني donne-lui un sursis jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc la parole d'Allah fait partie de ses attributs, d'accord? Et de dire que le Coran est créé, que c'est une créature, cela revient à nier que Allah Azza wa Jal a une parole. Et cela a été instauré dans le but de nier les attributs d'Allah Azza wa Jal, et parmi ces attributs, la parole, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Donc Cheikh Fawzan continue et dit: فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَنْفِيذِ فِكْرَتِهِمُ الْخَبِيثَةِ وَهِيَ الْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ حَيْثُ وَقَفَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَدًّا حَائِلًا وَقَفَ مَعَهُ الْأَئِمَّةُ الْمَوْقِفَ الْحَازِمُ لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل, ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة, ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم, ورد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. Donc Cheikh Fawzan dit ensuite: et ils n'ont pas pu appliquer ou imposer leur pensée malsaine qui était de dire que le Coran est créé, car l'imam Ahmed rahimahullah était un barrage, était devant eux comme une barrière, et il restait debout et ferme avec certains autres imams sans, sans lâcher prise. Mais l'imam Ahmad rahimahullah était parmi les imams qui s'étaient soulevés ou qui avaient contredit le gouverneur dans cette parole. L'imam Ahmad rahimahullah faisait partie de ceux qui avaient le plus souffert et ceux qui étaient le plus forts dans cette épreuve. Wa sabara ala al-adha, il a patienté dans le mal. Wa durib, il a été frappé. Wa sujin, il a été emprisonné. Wa humila ila al-mashriq lil-qatl, il a été transporté vers l'Orient pour y être exécuté. Et yani, l'imam Ahmad rahimahullah avait été, il a été convoqué par al-Ma'moun, qui avait tout d'abord pensé, il avait cette idée en tête que le Coran était créé. Et il hésitait sur le fait de l'imposer aux gens et d'instaurer ceci et d'imposer les gens à cette croyance. Jusqu'au jour où il est passé à l'acte et où il a ordonné à ses émissaires d'emprisonner, de châtier, d'emprisonner, voire de tuer ceux qui oseraient contredire cette parole et ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre. Et certains savants et certains grands imams se sont soulevés, parmi eux l'imam Ahmad ibn Hanbal et parmi eux également Muhammad ibn Nuh. Et ces deux, l'imam Muhammad ibn Nuh et l'imam Ahmad, ont été convoqués par al-Ma'moun. Et ils ont été transférés en Orient sur un seul âne, les deux sur un seul âne. Et Muhammad ibn Nuh est mort, lui, dans ce trajet. Et le Ma'moun a envoyé un émissaire pour aller dire à l'imam Ahmed dans la route, sur le chemin, que al-Ma'moun avait préparé une épée qui n'avait jamais été servie. Une épée toute neuve, qui n'avait encore tué personne. Et l'imam Ahmad rahimahullah a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il ne rencontre pas al-Ma'moun. Et Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation et al-Ma'moun est mort entre temps et l'imam Ahmad, ceux qui l'ont accompagné, ont fait demi-tour. Ensuite, celui qui a succédé à al-Ma'moun était plus indulgent et a convoqué l'imam Ahmad pour faire un débat avec les savants qui étaient à ses côtés, à côté de ce gouverneur. Parmi eux, Ibn Du'ad, qui était le pire d'entre eux. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, a fait un débat avec eux qui a duré 3 jours. Et il a montré ses preuves, il a exposé ses preuves. Mais cet imam, par son orgueil, n'a pas accepté. Et l'imam Ahmed est retourné en prison. Et parmi les arguments de l'imam Ahmed, lorsque on lui a demandé « Que dis-tu sur le Coran ?», il a répondu « Je dis que c'est la parole d'Allah. » Car Allah Azza wa Jal a dit « Wa in istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah » Et s'il te demande un sursis, donne-leur le sursis jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ar-Rahmanu » علم القرآن ولم يقل خلق القرآن. الله عز وجل dit dans sourate Ar-Rahman, Ar-Rahman علم القرآن, celui qui a enseigné le Coran. Il n'a pas dit celui qui a créé le Coran. Et d'autres preuves que l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a utilisées. Ensuite, il a été châtié rahimahullah, il a été fouetté à plusieurs reprises au point de s'évanouir. Et ce gouverneur qui a succédé à al-Ma'moun avait ordonné à deux bourreaux de le frapper, l'un lui donnant 5 coups et l'autre lui donnant 5 coups, pour que l'un puisse se reposer pendant que l'autre fait sa tâche. Et ce gouverneur est décédé et c'est un autre qui a pris la succession. Et Allah Azza wa Jal l'a guidé à travers un savant dont j'ai oublié le nom, qui a été convoqué par ce gouverneur, toujours en présence de Ibn Du'ad, qui était à côté de ce sultan. Et lorsque le savant est rentré, il lui a dit « Assalamu alaykum ». Et le gouverneur a dit « La sallamak Allah ». Qu'Allah ne te donne pas la paix et je ne réponds pas à ton salam. Et cet imam a répondu que celui qui t'a donné une mauvaise éducation. En parlant de qui ? De ces savants qui sont à ses côtés et qui soutiennent le fait que le Coran est une créature. Il lui a dit, celui qui t'a donné une mauvaise éducation. Car Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Et lorsque on vous salue d'un salut, rendez, yani saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez ce salut qui vous a été donné. Donc le minimum, ça aurait été qu'ils disent alaykoum assalam. Puis, cet imam était touché par cette parole et le débat a commencé. Il a donc ordonné à ses savants de lancer un débat sur cette personne. Puis, Ibn Du'ad a posé la question qu'il avait posée à l'imam Ahmed, que dis-tu sur la parole d'Allah ? Et ce savant a dit, sur le Coran, que dis-tu sur le Coran ? Et ce savant a dit, je ne suis pas d'accord que tu prennes la parole. Le sultan a alors dit, prends la parole. Et il a posé la question à Ibn Du'ad, que dis-tu sur le Coran ? Il a répondu que ce Coran est makhlouq. Ensuite, ce savant lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abu Bakr, ou bien Omar, ont dit que ce Coran était créé ? Il a répondu non. Ensuite, il a répondu, il lui a dit, est-ce qu'il savait qu'il était créé ? Il a répondu non. Ensuite, ce savant lui a dit, donc tu sais une chose que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr ne savaient. Il a répondu si, il le savait. Ensuite, il lui a dit, il le savait donc, mais ils ne l'ont pas dit. Car ils n'ont pas jugé que, ils le savaient selon ce que tu dis, selon ta parole, ils le savaient, mais malgré qu'ils l'aient su, ils ne l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais transmis et encore moins ordonné aux gens de le croire. Pourquoi alors ordonnes-tu de propager une chose que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr n'ont propagé ? Et pourquoi tu te permets de faire des choses que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont faites ? Et là, l'homme est resté bouche bée. Et ceci a fait que ce gouverneur a réfléchi. Il s'est isolé, a réfléchi et a fait la tauba, a s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et a ordonné aux gens de ne plus considérer que le Coran était une créature. Et ceci après que les savants aient patienté, qu'ils aient été menacés de mort, qu'ils aient été châtiés, rahimahumullah ta'ala. Naam? Al-Adrami Ahsant. Il en parle ensuite, naam. Al-Adrami Naam. C'est lui qui a été la cause de la guidée de ce gouverneur. Fayy. Les gouverneurs, c'était des califs, non ? Que tu parles ? Non, c'était les gouverneurs de l'Abbasiyin. C'est le gouverneur de l'Abbasiyin. Comme d'autres. En fait. لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر مذهب السلف ونماذج من أقوالهم في هذا المقام. Donc لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات. Une fois que l'auteur, Ibn Qudama al-Maqdisi, a expliqué qu'il était obligatoire de croire au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu donner des exemples de salaf et certaines de leurs paroles qui viennent montrer que nous devons croire au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a des règles qui instaurent ou qui sont instaurées dans cette croyance. فذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته ككل هذا سيأتي إن شاء الله فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب. فيشان فوزان دي الأوتور a cité la parole de l'imam Ahmed et la parole de l'imam al-Shafi'i, la parole de l'imam Abdullah ibn Mas'ud, la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, la parole de Amir al-Mu'minin, Omar ibn Abdul Aziz, la parole de l'Auza'i qui était l'imam de la Sunna à son époque, et tout ceci va venir par la suite. C'est-à-dire toutes les citations de ces savants vont arriver dans la suite du livre. يقول الإمام أحمد نؤمن بها أي بهذه النصوص. Donc l'imam Ahmed a dit dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qu'Allah descend dans le ciel le plus bas. وإن الله يرى يوم القيامة. يعني إن الله يرى يوم القيامة. Je ne pense pas que ce soit un hadith. Textuellement, يعني que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الله يرى يوم القيامة. Je ne pense pas que ce hadith existe. Mais une chose est sûre, c'est que Allah سبحانه وتعالى sera vu le jour du jugement. Ça, c'est quelque chose de plus que sûr, et les hadiths à ce sujet sont mutawatir. Et les hadiths à ce sujet ont atteint le plus haut degré d'authenticité. Mais de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit textuellement « Inna Allah yura yawm al-qiyamah » Allahu a'lam, je ne pense pas que ce soit un hadith. « Wa ma ashbaha hadhihi al-hadith » Et tout ce qui ressemble à ces hadiths, puis le même Ahmed a dit نؤمن بها ونصدق بها لا كيف. Nous croyons en ces sources, c'est-à-dire nous croyons en ces hadiths, ونصدق بها, et nous attestons qu'elles sont vraies, لا كيف, sans dire comment. يقول الإمام أحمد, donc Cheikh Fawzan explique cette parole, l'imam Ahmed dit نؤمن بها, nous y croyons, c'est-à-dire en ces textes. نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا وما أشبه ذلك وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا وما أشبه هذه النصوص. Quels sont ces textes? Les textes qui parlent de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel le plus bas. Et tout ce qui est semblable, et tout ce qui est similaire à ces hadiths. Et qu'Allah Azza wa Jal sera vu le jour du jugement par nos yeux, par les yeux des gens, par les yeux des croyants, que les croyants le verront Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux de façon claire. يقولوا نؤمن بها ونصدق بها خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل أو التحريف. Donc l'imam Ahmed a dit nous y croyons et nous attestons qu'elles sont vraies, c'est-à-dire tous ces textes. Nous y croyons et nous attestons qu'ils sont vrais, et ceci contrairement aux innovateurs qui ne croient pas en ces textes et qui répondent à ces textes soit en les considérant comme un mensonge, en disant que ce hadith par exemple est faible, ou soit en les interprétant, ces textes et en les expliquant, en leur donnant une explication qui n'est pas la leur. La kaif, l'imam Ahmed a dit sans dire comment. لا كيف يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لا نبحث عن كيفيتها فيقال ينزل إلى السماء إلى سماء الدنيا كيف ينزل الكيفية لا يعلمها إلا الله فهو ينزل كما شاء الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعلم عظمته سبحانه وتعالى وقدرته إلا الله جل وعلا فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله هل يخلو منه العرش أو لا يخلو وهل وهل وكيف ينزل إلى سماء الدنيا وثلث الليل يختلف باختلاف الأقالم من الذي خلق الأقالم ومن الذي خلق الليل والنهار هو الله جل وعلا فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء وإن كانت تختلف الأقالم في ثلث الليل في ثلث الليل هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله جل وعلا فهو قادر على كل شيء فلا تدخل في كيفية نزوله. Donc de ne pas dire comment, c'est-à-dire de ne pas chercher le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire par exemple, Allah descend dans le ciel le plus bas, comment est-ce qu'il descend? Car le professeur Sam a dit, Yanzul Rabbuna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas chaque dernier tiers de la nuit. Chaque dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas et dit Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu wa man yas'aluni fa'atiyah. Qui me demande le pardon, que je lui pardonne, et qui me sollicite pour que je l'exauce. Donc Cheikh Fawzan dit, on ne doit pas dire qu'Allah descend, comment est-ce qu'il descend? Car la façon par laquelle Allah Azza wa Jal descend n'est connu que de lui. Il descend subhanahu wa ta'ala comme il le veut. Car seul ne connaît son immensité et sa force et sa puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons donc pas rechercher comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou la façon dans laquelle Allah, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend. Est-ce qu'il est séparé de son trône ou est-ce qu'il n'est pas séparé ou toute autre question. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas alors que le dernier tiers de la nuit diffère en fonction des endroits dans la planète. Avec le décalage horaire, il y a des endroits où c'est le dernier tiers de la nuit et d'autres endroits où il fait jour. Non, même des personnes peuvent se poser la question. De se poser, ah, alors ce matin descend le dernier tiers de la nuit, mais quand c'est le dernier tiers de la nuit ici, c'est pas le dernier tiers de la nuit là-bas, etc. Comment est-ce que ce matin descend? Ce sont des questions qui ne doivent pas être posées. Non. Comment répondre à ceux qui disent non, c'est sa science qui descend, sinon c'est le dernier qui se déplace d'un point à l'autre, et ça, je sais pas, je renvoie dans le monde. Comment est-ce qu'on répond à? Pourquoi ça se fait pas? Et celui qui dit non, c'est pas Allah qui descend, c'est sa science. Non, lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yanzilu Rabbuna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yanzilu Rabbuna. Qui descend? Notre Seigneur. Descend notre Seigneur. Pourquoi dire la science alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur? Descendre, c'est-à-dire se déplacer d'un point à un autre, ça c'est pour les créatures. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, de se poser la question, comment est-ce qu'Allah descend alors que dans le dernier tiers de la nuit, alors que le dernier tiers de la nuit diffère en fonction des endroits du monde. Puis Cheikh Al-Fawzan dit, qui a créé ces endroits dans le monde? Qui a créé la nuit et le jour? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui donc qui est capable de descendre comme il le veut. Même si les fuseaux horaires diffèrent, et même si le dernier tiers de la nuit n'est pas le même dans les différents coins de la planète, mais ceci, comme a dit Rafaouzen, hada binis batilena, ceci vis-à-vis de nous. Amma binis batilillahi jalla wa ala fa huwa qadirun ala kulli shay. Mais quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toute chose. On ne doit donc pas rentrer dans la façon par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend. On ne doit pas demander comment est-ce qu'Allah azza wa jal descend. Il descend comme il le souhaite, il descend comme il le veut, il descend d'une façon que seul lui connaît subhanahu wa ta'ala, car seul lui connaît son pouvoir et connaît son immensité, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire, mais comment une personne peut descendre d'un tiers de la nuit dans ce coin du monde et dans l'autre, ici tu commences déjà à te comparer à comparer à ta capacité à toi d'être mamina. Voilà. il fait ça, il fait ta'wil, tashbih et tamthil. Non ? Celui qui dit ça, il fait ta'wil, tashbih et tamthil. Voilà, et cette question-là, quand elle se pose, tu ne peux poser cette question qu'en la comparant avec ce que tu connais. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, rien ne lui ressemble, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala. Rien, absolument rien, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux même pas t'imaginer de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux même pas t'imaginer de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que tu pourras t'imaginer, ce ne sera pas ça. Non. C'est clair. ثم يقول شيخ الفوزان ومثل يرى يوم القيامة كيف يرى نقول لا نبحث في هذا نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب نؤمن بها ولا نبحث في كيفية الرؤية لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Ou par exemple de dire qu'Allah sera vu le jour du jugement, comment est-ce qu'il sera vu? La réponse, nous ne devons pas rechercher cela. Nous ne devons pas nous poser cette question. Nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par nos yeux, par les yeux des croyants, comme l'on voit la lune lorsqu'elle est pleine, et comme le soleil est vu en toute lucidité lorsqu'il n'y a aucun nuage qui le cache. Nous croyons en cette vision et nous ne devons pas rechercher comment est-ce que l'on verra Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci n'est connu que de lui subhanahu wa ta'ala. يجيء وجاء ربك كيف يجيء نقول لا نبحث عن الكيفية كيف يجيء لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله فنحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها ولكن لا نبحث في كيفيتها ولهذا قال ولا كيف. Un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala viendra, comme le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَجَاءَ رَبُّكَ, et ton Seigneur viendra. Comment est-ce qu'il viendra? Nous répondons, nous ne devons pas rechercher et nous ne devons pas nous poser cette question de comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Mais nous devons attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra comme cela est propre à lui subhanahu wa ta'ala. Nous devons croire en ses attributs et nous connaissons le sens, nous connaissons le sens de venir. Qui connaît pas le sens de venir? Qui ne connaît pas le sens du verbe venir? Tout le monde sait ce que ça veut dire venir. On connaît tous le sens. Mais nous ne devons pas nous demander comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient. Pour cela que l'imam Ahmed a dit, نؤمن بها ونصدق بها لا كيف. Nous y croyons. Nous attestons qu'elles sont vraies, que tous ces hadiths et tous ces attributs et noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vrais, mais nous ne devons pas de nous poser la question du comment. ثم قال الإمام أحمد ولا معنى ولا كيف ولا معنى, sans comment et sans sens, sans signification. قال الشيخ فوزان ولا معنى المراد بهذه اللفظة أي المعنى الذي يفسره به المبتدعة وهو التأويل, ليس المراد نفي المعنى الحقيقي فإن معناها معروف كما يقول الإمام مالك رحمه الله, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى أي المعنى الذي يريده أهل الضلال وهو التأويل, مثل تأويل اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره والنزول بنزول أمره وما أشبه ذلك. هذه معان جاءوا بها هم ونحن ننفيها وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى, فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية, وإنما يريد نفي المعنى المحدث لأنه يرد على المبتدعة فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه. Donc l'imam Ahmed a dit concernant les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous y croyons, nous attestons qu'ils sont vrais sans dire comment et sans signification. Cheikh Fawzan dit ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire Al-Imam Ahmad, par sans signification, c'est-à-dire sans la signification que leur donnent les gens de l'innovation. C'est-à-dire sans l'innovation que leur donnent les innovateurs, qui est at-ta'wil, qui est l'interprétation fausse. Et en aucun cas, Al-Imam Ahmad ne voulait dire qu'il n'y a pas de sens, c'est-à-dire que les sens des Irni, que les attributs d'Allah Azzawajal n'ont pas de signification. En aucun cas, Al-Imam Ahmad n'a voulu dire cela, comme l'a dit Al-Imam Malik, rahimahullah, Al-Istiwa ou Ma'loum, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est quelque chose de connu, Wal-Kayf ou Majhoul, le comment est inconnu, Wal-Iman ou Bihi Wajib, la croyance, c'est-à-dire en cette élévation, est obligatoire, Wal-Su'al ou Anhum, et de poser des questions, c'est-à-dire sur le comment, est une innovation. Fama'na, donc la signification de la parole de l'imam Ahmed, wala ma'na, c'est-à-dire sans sens, sans signification, c'est-à-dire le sens que veulent les gens égarés, qui est l'interprétation, comme le fait d'interpréter la main d'Allah Azzawajal comme étant la puissance, d'interpréter la venue d'Allah Azzawajal comme étant la venue de son commandement, d'interpréter la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant la descente de son commandement et toute autre chose similaire. Ce sont des sens que eux ont apportés, c'est-à-dire les innovateurs. Et nous n'acceptons pas cela. Et ce ne sont pas les sens qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal ne veut pas nier le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal, leur sens connu dans la langue arabe. Mais l'imam Ahmed ne veut pas nier le sens connu de tout le monde, qui est le sens dans la langue arabe, mais il dit qu'il n'y a pas de sens, c'est-à-dire qu'il parle du sens innové par ces innovateurs. Car l'imam Ahmed parle en répondant aux innovateurs, il parle donc du sens que veulent atteste ces innovateurs. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض يقول لا معنى هذه طريقة المفوضة والإمام أحمد ليس من المفوضة وهو من المفوضة في الكيفية لأن الكيفية يجب تفويضها أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض بل يفسر ويبين. Donc Cheikh Fawzan explique que on ne doit pas s'attacher et s'accrocher à cette parole de l'imam Ahmed rahimahullah, yani plutôt ceux qui veulent douter ou faire douter les gens de la sunna s'accrochent à cette parole de l'imam Ahmed et disent que l'imam Ahmed est mufawwid. Qu'est-ce que tafouid? On avait déjà parlé de tafouid. C'est de laisser le sens, pas de dire qu'il n'y a pas de sens, de laisser le sens à Allah. De dire par exemple, Allah a une main, pour eux la main, ça ne signifie rien. Seul Allah Azza wa Jalla ne connaît la signification du mot main. Voilà. Yani, ils remettent tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est interdit. Ceci est interdit et est un moyen, c'est un égarement de penser cela, car celui qui fait tafouid, en vérité, il adore quelque chose d'inexistant. Celui qui fait al-tafouid, celui qui dit que la venue d'Allah, ça n'a aucune signification, seul Allah la connaît. La main d'Allah, ça n'a aucune signification, seul Allah la connaît. Qu'Allah voit, ça n'a aucune signification, seul Allah en connaît la signification. Allah entend, ça n'a aucune signification, il n'y a qu'Allah qui connaît. Jusqu'au point où les savants ont dit que celui qui fait tafouid, en vérité, il adore quelque chose, il adore le néant. Celui qui fait tafouid adore le néant, car il ne sait pas, il ne connaît pas qui il adore. Quant aux gens de la sunna, ils attestent, comme a attesté Allah Azza wa Jal, ils attribuent ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala s'est attribué, ils attribuent à Allah ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans les hadiths authentiques, en connaissant le sens et en remettant non pas le sens à Allah, mais le comment. Le comment, oui, on le remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît comment il est. Et seul Allah azza wa jal sait comment il voit, comment il entend, et sait comment est-ce qu'il descend et comment est-ce qu'il vient. Subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit, donc ces personnes disent que l'imam Ahmed est mufawwid, car l'imam Ahmed dit que les attributs d'Allah n'ont pas de sens. هذه طريقة المفوضة. الإمام أحمد ne faisait pas partie de المفوضة. Oui, il faisait partie de المفوضة, mais de ceux qui font التفويض dans le comment. Et car il est obligatoire de faire le التفويض sur le comment des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation de remettre le comment des attributs d'Allah azza wa jalla à lui seul. Quant au sens littéraire de ces attributs, ceci est clair et on ne doit pas faire de tafouid dessus, mais au contraire, on doit expliquer, ces sens doivent être expliqués et montrés. C'est clair ou pas ? ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك